Bonjour à tous. Aujourd'hui, lundi le 22 mai, en cette fête des Patriotes, ce jour de congé, je vous souhaite la bienvenue à LLB, la lecture de la Bible audio. Il me fait plaisir d'être avec vous pour ce temps de lecture, encore une fois aujourd'hui. Le soleil n'est pas au rendez-vous, mais c'est une journée de congé pour la plupart des gens. J'espère que vous pourrez en profiter, vous reposer, vous ressourcer et surtout prendre le temps quand même. De passer du temps avec Dieu, dans la parole, dans la prière. Nous lisons encore aujourd'hui dans la version français courant et il me fait plaisir de pouvoir lire avec vous, continuer nos textes, nos quatre sections de textes comme à notre habitude, alors que nous en sommes au jour 142 de ce parcours d'un an à travers la Bible. Commençons sans plus tarder avec 2 Samuel chapitre 3. Nous lirons le verset 1 jusqu'au verset 39. La guerre dura longtemps entre les partisans de Saül et ceux de David. Mais David consolidait de plus en plus sa position, tandis que les descendants de Saül perdaient progressivement leur pouvoir. À Hébron, David eut plusieurs fils. Il eut Amnon, l'aîné, d'Ahinoam, de Jisréel, Kilab, le second, d'Abigaël, veuve de Nabal, de Carmel, Absalom, le troisième, de Maaca, fille de Talmaï, roi de Geshur, Adonia, le quatrième, de Haggith, Shephatia, le cinquième, d'Abital, Itréam, le sixième, d'Egla, elle aussi femme du roi. Tels furent les fils de David qui naquirent à Hébron. Tant que la guerre dura entre partisans de Saül et partisans de David, Abner renforça son pouvoir dans la partie de Saül. Saül avait eu une épouse de second rang, du nom de Rispa, fille d'Aïa. À son sujet, Ishbaal dit un jour à Abner, « Pourquoi as-tu couché avec une épouse de mon père? » Abner fut vivement indigné en entendant ces mots et déclara, « Suis-je un chien à la solde des Judéens? » Jusqu'à présent, j'ai prouvé mon attachement à l'égard de la famille de ton père Saül, de ses frères et de ses amis. J'ai tout fait pour que tu ne tombes pas entre les mains de David, et toi, aujourd'hui, tu me reproches un écart avec cette femme. Que le Seigneur m'inflige la plus terrible des punitions si je ne réalise pas pour David ce que le Seigneur lui a promis, car il a juré de retirer la royauté à la famille de Saül, afin d'étendre l'autorité royale de David sur Israël comme sur Juda, d'un bout à l'autre du pays. » Ishbaal fut incapable de lui répondre un seul mot, tant il avait peur de lui. Là-dessus, Abner envoya des messagers à David pour lui dire, « À qui appartient le pays? Conclue une alliance avec moi, et je t'aiderai à rallier tout Israël autour de toi. » David lui répondit, « Bien, je suis d'accord de conclure une alliance avec toi. Je ne te demande qu'une chose. Ne viens pas me trouver sans te faire précéder par ma femme Michal, fille de Saül. À cette condition, tu pourras te présenter devant moi. » Puis David envoya des messagers à Ishbaal, fils de Saül, pour lui dire, « Rends-moi ma femme Michal que j'ai épousée au prix de 100 prépuces de Philistins. » Alors Ishbaal fit venir Michal de chez son mari Paltiel, fils de Laïch. Paltiel l'accompagna. Tout en pleurs, il marcha derrière elle jusqu'à Baourim. Là, Abner lui ordonna de retourner chez lui, et il obéit. Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël. Il leur dit, « Depuis longtemps, vous désirez que David soit votre roi. Eh bien, c'est le moment d'agir. En effet, le Seigneur a déclaré au sujet de David, « C'est par l'intermédiaire de mon serviteur David que je veux délivrer Israël, mon peuple, de la domination des Philistins et de tous ses autres ennemis. » Abner parla aussi avec les Benjaminites. Ensuite, il partit pour Hébron afin d'exposer à David lui-même le projet qui avait reçu le plein accord des Benjaminites et des autres Israélites. Il arriva chez David à Hébron avec 20 hommes. David leur manquait. Abner dit à David, « Majesté, je suis prêt à repartir et à rassembler tous les Israélites autour de toi. Ils concluront une alliance avec toi et tu pourras alors régner sur tout le pays, comme tu le désires. » David autorisa Abner à s'en aller et celui-ci partit en paix. Peu après, Joab arriva avec la garde de David. Il revenait d'une expédition et rapportait un butin important. Abner n'était plus chez David à Hébron car le roi avait laissé repartir en paix. Dès que Joab fut là avec toute sa troupe, quelqu'un l'informa qu'Abner, fils de Ner, était venu trouver le roi et que celui-ci l'avait laissé repartir en paix. Joab entra chez le roi et lui dit « Qu'as-tu fait là? Abner vient chez toi et tu le laisses repartir. Tu connais pourtant bien Abner, fils de Ner. S'il est venu, c'est pour te tromper, pour espionner tes allées et venues et savoir tout ce que tu fais. » Joab sortit de chez le roi et chargea des messagers de rattraper Abner. À l'insu de David, ils le firent revenir de la citerne de Sira. Quand Abner fut de retour à Hébron, Joab l'attira à l'écart, à l'intérieur de la porte de David, comme pour lui parler confidentiellement. Et là, il le poignarda en plein ventre, le tuant pour venger la mort de son frère Asaël. Dès que David apprit ce qui s'était passé, il s'écria « Le Seigneur le sait, moi et mon royaume, nous sommes jamais innocents du meurtre d'Abner, fils de Ner. Que seul Joab et toute sa famille en subissent les conséquences. Qu'il y ait toujours dans cette famille des hommes atteints d'écoulements impurs ou de lèpre, des hommes réduits à des occupations féminines, des hommes qui meurent de morts violentes ou qui manquent de nourriture. C'est ainsi que Joab et son frère Abishai assassinèrent Abner parce que celui-ci avait tué leur frère Asaël lors du combat de Gabaon. » David dit à Joab et à tous ceux qui l'accompagnaient, « Déchirez vos vêtements, revêtez-vous d'étoffes grossières et prenez part à la cérémonie funèbre en l'honneur d'Abner. » Le roi David lui-même marcha derrière le corps du défunt. On enterra Abner à Hébron. Le roi éclata en sanglots sur sa tombe et toute la foule pleura aussi. Puis le roi prononça la complainte suivante au sujet d'Abner. « Pourquoi es-tu mort, Abner, d'une mort digne d'un insensé? Tu n'avais pas les mains liées ni les pieds enchaînés. Pourtant, tu es tombé mort comme un homme surpris par des criminels. » Tous les assistants continuèrent de pleurer. Ensuite, ils s'approchèrent de David pour lui offrir de la nourriture, alors qu'il faisait encore jour, mais le roi fit ce serment. « Que Dieu m'inflige la plus terrible des punitions si je mange un morceau de pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. » Le peuple entier en eut connaissance et l'approuva. D'ailleurs, le peuple approuvait toujours ce que faisait le roi. Ainsi, toute la population de Juda et tous les Israélites surent ce jour-là que ce n'était pas le roi qui avait donné l'ordre d'assassiner Abner, fils de Ner. David dit encore à ses ministres, « Vous rendez-vous compte qu'aujourd'hui un chef, un grand chef d'Israël est mort? Moi, malgré mon titre de roi, je me sens actuellement faible par rapport à la violence de ces hommes dont la mère s'appelle Tseruya. Que le Seigneur veuille donc les punir lui-même d'avoir commis ce crime. » Nous lisons maintenant le psaume 119, les versets 1 à 16. Heureux ceux dont la conduite est irréprochable, qui règlent leur vie sur la loi du Seigneur. Heureux ceux qui suivent ses ordres et lui obéissent de tout leur cœur. Ceux-là ne commettent aucun mal, mais ils vivent comme Dieu le demande. Toi, Seigneur, tu as révélé tes exigences pour qu'on les respecte avec soin. Ah, que je sache me conduire avec fermeté en m'appliquant à faire ta volonté. Alors, je n'éprouverai aucune honte en revoyant tes commandements. Je te louerai sans arrière-pensée en étudiant tes justes décisions. Je m'appliquerai à faire ta volonté. Ne cesse jamais de me soutenir. Quand on est jeune, comment garder une conduite pure? En observant ce que tu as dit, Seigneur. De tout mon cœur, je cherche à t'obéir. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Dans mon cœur, je conserve tes instructions, pour ne pas être coupable envers toi. Merci, Seigneur, de m'enseigner ta volonté. Mes lèvres énumèrent toutes les décisions que tu as prononcées. Suivre tes ordres me réjouit comme une immense richesse. Je veux réfléchir à tes exigences et bien regarder la voie que tu me traces. Je suis ravie de suivre tes directives. Je n'oublierai pas ta parole. Proverbe chapitre 15, les versets 7 et 8. Les paroles des sages diffusent le savoir, tandis que la tête des sots ne vaut rien. Le Seigneur déteste les sacrifices offerts par les méchants, mais il reçoit favorablement la prière des hommes droits. Nous voici déjà à notre dernier texte en Luc chapitre 20. Nous lirons les versets 1 à 26. Un jour, Jésus donnait son enseignement au peuple dans le temple et annonçait la bonne nouvelle. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi survinrent alors avec les anciens et lui demandèrent « Dis-nous de quel droit tu fais ces choses? Qui t'a donné autorité pour cela? » Jésus leur répondit « Je vais vous poser une question moi aussi. Dites-moi, qui a envoyé Jean baptisé? Est-ce Dieu ou les hommes? » Mais ils se mirent à discuter entre eux et se dirent « Si nous répondons, c'est Dieu qui l'a envoyé, il nous demandera « Pourquoi n'avez-vous pas cru Jean ?» Mais si nous disons « Ce sont les hommes qui l'ont envoyé, le peuple tout entier nous jettera des pierres pour nous tuer, car il est persuadé que Jean a été un prophète. » Ils répondirent alors « Nous ne savons pas qui l'a envoyé baptiser. » « Eh bien, répliqua Jésus, moi non plus je ne vous dirai pas de quel droit je fais ces choses. » Ensuite, Jésus se mit à dire au peuple la parabole suivante. Un homme planta une vigne, la loua à des ouvriers vignerons et partit en voyage pour longtemps. Au moment voulu, il envoya un serviteur aux ouvriers vignerons pour qu'ils lui remettent sa part de la récolte. Mais les vignerons battirent le serviteur et le renvoyèrent les mains vides. Le propriétaire envoya encore un autre serviteur. Mais les vignerons le battirent aussi, l'insultèrent et le renvoyèrent sans rien lui donner. Il envoya encore un troisième serviteur. Celui-là, ils le blessèrent aussi et le jetèrent dehors. Le propriétaire de la vigne dit alors, « Que faire? Je vais envoyer mon fils bien-aimé. Ils auront probablement du respect pour lui. » Mais quand les vignerons le virent, ils se dirent les uns aux autres, « Voici le futur héritier. Tuons-le pour que la vigne soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. « Eh bien, que leur fera le propriétaire de la vigne ?» demanda Jésus. « Il viendra, il mettra à mort ses vignerons et confiera la vigne à d'autres. » Quand les gens entendirent ces mots, ils affirmèrent, « Cela n'arrivera certainement pas. » Mais Jésus les regarda et dit, « Que signifie cette parole de l'Écriture ? La pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la pierre principale. Tout homme qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et si la pierre tombe sur quelqu'un, elle le réduira en poussière. » Les maîtres de la loi et les chefs des prêtres cherchèrent à arrêter Jésus à ce moment même, car ils savaient qu'il avait dit cette parabole contre eux, mais ils eurent peur du peuple. Ils se mirent alors à surveiller Jésus. À cet effet, ils lui envoyèrent des gens qui faisaient semblant d'être des hommes honorables. Ces gens devaient prendre Jésus au piège par une question, afin qu'on ait l'occasion de le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. Ils lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que ce que tu dis et enseignes est juste. Tu ne juges personne sur les apparences, mais tu enseignes la vérité sur la conduite qui plaît à Dieu. » « Eh bien, dis-nous, notre loi permet-elle ou non de payer des impôts à l'empereur romain ?» Mais Jésus se rendit compte de leur ruse et leur dit, « Montrez-moi une pièce d'argent. » le visage et le nom gravés sur cette pièce, de qui sont-ils? » « De l'empereur, » répondirent-ils. Alors Jésus leur dit, « Eh bien, payez à l'empereur ce qui lui appartient et à Dieu ce qui lui appartient. » Ils ne purent pas le prendre en faute pour ce qu'il disait devant le peuple. Au contraire, sa réponse les remplit d'étonnement et ils gardèrent le silence. Terminons ensemble notre temps d'aujourd'hui par la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Éternel Dieu, on s'approche de toi ce matin, on veut venir devant toi dans la prière et on vient, Seigneur, te confesser tous nos péchés. Oui, mon Dieu, tu nous révèles tes exigences pour qu'on les respecte avec soin. Et malheureusement, on doit te confesser qu'on n'y arrive pas, Seigneur. Qu'on n'arrive pas à respecter ce que tu nous demandes. Notre cœur, Seigneur, se laisse dévier de tes commandements. Oui, Père éternel, nous sommes pécheurs, nous jugeons les autres sur les apparences. Trop souvent, nous cherchons et nous proclamons le mensonge plutôt que la vérité. Pardonne-nous nos fautes. Éternel Dieu, merci parce que tu dis dans ta parole que tu ne gardes pas le souvenir des fautes. Sinon, Seigneur, qui pourrait subsister? Merci parce que tu effaces notre péché, parce que tu nous laves complètement. Merci, Seigneur, parce que tu nous enseignes ta volonté. Merci pour ton salut, qui est notre espoir, notre espérance sur cette terre. Oui, Éternel, je te prie que tu nous envoies ton esprit afin qu'on puisse avoir une conduite irréprochable et régler nos vies sur la loi du Seigneur, afin, Seigneur, qu'on puisse suivre tes ordres et t'obéir de tout notre cœur et ainsi être heureux. Seigneur, aide-nous à nous conduire avec fermeté. Aide-nous à nous appliquer pour faire ta volonté. Aide-nous, Seigneur, de tout notre cœur à chercher à t'obéir. Aide-nous à réfléchir à tes exigences, à regarder la voie que tu traces pour nous et à te suivre, à marcher humblement à ta suite. Seigneur, c'est dans le nom précieux de Jésus qu'on te demande toutes ces choses. On a besoin de toi, on a besoin de ton esprit qui nous sanctifie et qui travaille en nous. On te prie, Seigneur, pour la sagesse. Donne-nous la sagesse de suivre ta volonté. Ne cesse jamais de nous soutenir, Seigneur, c'est notre prière ce matin, tout comme c'était la prière du psalmiste au psaume 119. Amen.